Je me casse pas, mais aujourd'hui au mal. Non, je n'ai pas fait plus de mal ou mal. Pero la aguja me fue al final.